الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin, c'est le sharh de Kitab al-Tawhid écrit par le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Abdurrahman ibn Hassan. D'accord? Et les commentaires sur ce sharh, c'est les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala dans le livre qui s'appelle Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin ala Qurrati Uyun al-Muwahhidin. Au dernier cours, on expliquait certains points par rapport au fait que il y a des gens aujourd'hui parmi les gens qui se disent musulmans dans les pays musulmans qui adorent les morts, qui adorent les tombes, qui prient à des saints. Et le cheikh expliquait en fait que ce qu'ils font, ces gens-là, en adorant ces choses-là, c'est la même chose que ce que faisaient les idolâtres à l'époque, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils priaient à leurs idoles, Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal, et les autres idoles. Et il n'y a pas de différence entre ce qu'ils font. La seule différence, c'est les noms qui sont différents. Et les, parfois, il y a le fait que certains d'entre eux ils prient à des idoles. Certains disent oui, mais ça c'est pas la même chose parce que les idoles c'est des statues, c'est des choses comme ça, tandis que nous ce qu'on prie ou ce qu'on invoque c'est des hommes pieux, c'est des prophètes, c'est des anges, hein. Donc ils pensent que le fait que ce soit des choses qui sont à la base des choses que Allah aime ou des personnes que Allah aime, que ça justifie qu'on les adore en dehors d'Allah. Alors que la réalité, c'est que c'est du shirk. C'est la même chose. Et on a expliqué également au dernier cours que parfois les mouchriquins, ils essaient de changer la réalité des mots et des noms. Et ils pensent qu'en appelant le shirk par d'autres noms, que ça les rend licite, ou que ça le justifie. Donc ils vont dire, nous, c'est pas du shirk qu'on fait, c'est en fait de l'amour et du respect pour les hommes pieux et les prophètes. Donc parce qu'ils appellent ce qu'ils font amour et respect, ça veut dire qu'on ne doit pas l'appeler shirk, hein, ou qu'on doit l'accepter parce qu'on change le nom ou l'appellation. La même chose aussi pour qu'est-ce qu'ils appellent parfois le tawassul. On a expliqué que le tawassul, hein, c'est pas quelque chose qui justifie le shirk. Et que si quelqu'un fait du shirk et qu'il l'appelle tawassul, ça ne change rien à la réalité que ce qu'il fait c'est du shirk. Hein? Le tawassul, c'est de prendre un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et de prendre un intermédiaire entre nous et Allah pour adorer Allah et de prier à un mort ou à un saint ou à un prophète et de dire ça c'est du tawassul, ça ne change rien à la réalité que ça c'est du shirk. Mais si tu prends un moyen que Allah aime parmi les bonnes œuvres, parmi les choses de bien, ça c'est légitime, et ça c'est permis. Hein? Mais bien entendu, de prier à autre qu'Allah, ça ne sera jamais acceptable. Quelqu'un a posé la question. Il y a une question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan ici. Il dit وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ عَنِ الْمُرَادِ بِالْقُبُورِيِّينَ فَأَجَابَ الْقُبُورِيُّونَ هم الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع من العبادات كالذبح والنذر والتبرك وغير ذلك فهم مشركون لأنهم صرفوا العبادة لغير الله وأما الذي يعبد الله عند القبور يظن أن هذا سبب للإجابة أو قبول الدعوة أو قبول الدعاء فهذا مبتدع وعمله هذا وسيلة من وسائل الشرك. Donc ici la question c'est à propos du terme Quburiyoun. Les ulama d'Ahl Sunnah, quand ils parlent des gens qui adorent les tombes, qui offrent aux morts des actes d'adoration, ils les appellent des Quburiyoun, c'est-à-dire des gens qui adorent les Qubur. Qubur c'est les tombes. Donc ils les appellent adorateurs de tombes, hein, les adorateurs de tombes Et le terme en arabe, ils utilisent le terme quburiyoun. Et le cheikh, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on veut dire par les quburiyoun? Qui sont les quburiyoun? Et il répond en disant que les quburiyoun, ce sont ceux qui se rapprochent des gens qui sont enterrés dans les tombes par toutes sortes d'adorations, comme le fait de faire des sacrifices, des offrandes, de faire des vœux pieux, ou de chercher la bénédiction des tombes et des tombeaux et des morts qui sont dans ces tombeaux-là. Hein, et il dit que ceux qui font ça sont des mouchrikoun, sont des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont offert à autre que Allah une forme d'adoration. Et quiconque offre une forme d'adoration quelconque à autre que Allah, il est un mouchrik. Peu importe la chose à laquelle il offre une adoration en dehors d'Allah. Et il dit, tandis que ceux qui adorent Allah auprès de la tombe, c'est-à-dire ils n'adorent pas ceux qui sont dans la tombe, mais ils adorent Allah à côté des tombes ou à proximité des tombes, et ils font exprès d'aller aux endroits où il y a des tombes pour adorer Allah. Il dit ceux-là, ils font ça soit parce qu'ils s'imaginent que le fait d'être à proximité de la tombe, ça va être une cause pour que Allah exauce leur invocation plus qu'ailleurs, ou bien que ça va faire en sorte que Allah accepte leur invocation plus que s'ils étaient ailleurs. Il dit ça, dans ce cas-là, celui qui pense ça ou qui fait ça, il va adorer Allah à côté d'une tombe parce qu'il pense que la tombe, ça va faire en sorte que ça va améliorer ou faciliter d'être dans le fait qu'il soit exaucé. Eh bien, il dit ça, dans ce cas-là, c'est une innovation. Celui qui fait ça, c'est un mubtadi'. Et son action peut être une cause ou un moyen qui peut l'amener dans le shirk. À la longue, des gens qui vont aller, ils font exprès d'aller auprès d'une tombe pour faire des doigts. Tu lui dis, « Pourquoi tu viens faire des doigts ici? Pourquoi tu ne vas pas dans la mosquée faire des doigts ?» Il dit, « Non, ici c'est mieux parce qu'il y a le wali qui est là. Et le fait que je suis à côté, peut-être que Allah va écouter mon doigts plus que si je suis dans la mosquée. » Ou peut-être qu'il va m'exaucer plus que si je suis dans la mosquée. Tu lui dis, c'est quoi le dalil de ça? C'est quoi la preuve qui justifie que lorsque tu es près d'une tombe, Allah il va plus t'exaucer que si tu es ailleurs ou que si tu es dans la mosquée? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et bien entendu, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Et ça, c'est une cause pour le shirk ou un moyen qui amène vers le shirk. Pourquoi? Parce que les gens qui ne savent pas et qui vont te voir, que tu retournes à chaque fois à côté des tombes pour faire des doigts, ils vont s'imaginer que ça veut dire que tu penses que c'est quelque chose qui est légiféré de faire ça et que c'est bon d'aller faire ça. Et peut-être même qu'ils vont s'imaginer que tu es en train de faire des doigts directement aux morts. Et que ça, donc ça, c'est du shirk encore. Hein? Donc ils ne savent pas que dans ton intention, dans ton cœur, ce n'est pas de faire des doigts aux morts, mais c'est de faire des doigts à Allah. Mais le fait que tu vas constamment à cet endroit-là pour faire des doigts, ça induit en erreur les gens qui te regardent et qui pensent que toi tu es en train de faire des doigts aux morts. Alors, soit que c'est une bid'a, hein, soit que c'est une bid'a que tu fais si tu vas là-bas pour invoquer Allah seul, mais à côté de la tombe parce que tu penses qu'il y a un mérite ou que c'est quelque chose de meilleur, ou soit que c'est du shirk si tu t'adresse directement aux morts. Hein? Alors là, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur. Mais ça fait partie de la sunna. Il y a une preuve de pour prier dans le rawda, faire rak'atayn dans le rawda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rawdatun min riyad al-jannah. Hein? C'est un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, il y a un mérite. Le fait de faire rak'atayn à cet endroit-là, il y a un mérite. Et lorsque tu pries à cet endroit-là, c'est pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à côté de toi, mais c'est la maison de Aïcha radiallahu anha qui est à côté de toi. Et à la base, la maison de Aïcha radiallahu anha, elle n'était pas à l'intérieur des murs de la mosquée, mais elle était à l'extérieur des murs de la mosquée. Et ceux qui ont fait l'élargissement vers l'est et qui ont inclus à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la mosquée, les murs de la maison de Aïcha radiallahu anha, eh bien, eux, c'est eux qui ont commis l'erreur de faire ça. Mais n'empêche que la tombe en elle-même, elle est à l'extérieur de la mosquée puisqu'elle est à l'intérieur de la maison et non pas dans la mosquée. Oui, c'est ça. Et dans tous les cas, comme je te dis, elle est entourée des quatre murs de la maison de Aïcha radiallahu anha et elle est pas accessible. Tu peux pas y accéder. Et même à l'intérieur de la maison de Aïcha, les tombeaux sont entourés de murs aussi. Hein? Donc elle n'est pas accessible. Et ce qui fait que celui qui va là-bas, par exemple, et qu'il s'imagine qu'il y a un mérite à prier à proximité de la tombe, ça c'est un égarement. Ça c'est une bid'a. Et tu vois ça de la part des innovateurs et des ignorants qui viennent à Médine, par exemple, et lorsqu'ils terminent la salat, ils se détournent de la Qibla pour faire des du'as et ils se mettent en face de la direction de la maison de Aïcha radiallahu anha pour faire des invocations. Lorsqu'ils vont passer devant la maison de Aïcha, par exemple, ils vont passer dans le saf al-awwal de la mosquée. Donc là, ils sont entre la maison de Aïcha et la Qibla, et le mur de la mosquée. Donc, au lieu de se tourner vers la Qibla, vers le nord, il se tourne vers le sud, vers la direction de la maison d'Aïcha radiallahu anha. Et ça, pour faire du dua, c'est pas permis, puisque le dua doit être fait en direction de la Qibla. Hein, la Qibla. Hein? Non, au contraire, il n'y a pas de mal de faire le dua dans le rawda. Mais si toi, ton intention, ou quelqu'un, son intention, c'est de faire le doigt dans le rawda parce qu'il est à côté de la tombe, c'est pas correct. Il y en a, par exemple, parmi les soufis, ils font exprès pour se mettre toujours derrière la maison d'Aïcha radiallahu anha pour y faire face. Parce qu'ils s'imaginent que le fait d'être en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à l'intérieur de la maison d'Aïcha, ils pensent que ça, c'est quelque chose qui est, mieux. Que c'est bon. Parce qu'il y en a parmi eux, ils ont des croyances de shirk, hein, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tombés dans le rouleau à ce sujet-là. Et ça, c'est très grave. Donc, il faut faire attention à ça. Le cheikh, il explique, ensuite, il dit, Naam. Donc, on expliquait donc, oui, le verset que le cheikh il a cité, du fait qu'il a expliqué, on va relire ensemble qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan avait expliqué à propos du fait que les mushrikins ils détestent le tawhid et ils essaient de faire fuir les gens du tawhid et de ceux qui appellent au tawhid. Hein? Donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il a dit wa nafaru idha du'u إلى التوحيد أشد نفرة. الشيخ الفوزان اللي expliqué à ce sujet-là, أبغض ما على هؤلاء القبوريين الدعوة إلى التوحيد لأن فيها إبطالا لما هم عليه وهم لا يريدون ذلك كما قال عز وجل وعليكم السلام ورحمة الله كما قال عز وجل في أسلافهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فإذا دعاهم مسلم إلى التوحيد قالوا هذا وهابي خارجي متشدد متطرف إلى آخر هذه الألقاب المنفرة عن دعوة التوحيد لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور ودعاء غير الله عز وجل وما خالفه عندهم فهو شرك نسأل الله العافية هذا شيء معروف وموجود في كتبهم أنهم يحذرون من التوحيد ومن دعوة الرسل ويأمرون بالشرك صراحة ولكنهم لا يسمونه شركا وإنما يسمونه بأسماء مزخرفة ليغروا بذلك. Donc le cheikh il explique que les gens qui adorent les tombes ils détestent la da'wa du tawhid Et la raison pour laquelle il déteste la da'wah du tawhid, l'appel au tawhid, c'est parce que dans l'appel au tawhid, il y a la réfutation de leur fausseté et les preuves que ce qu'ils font est faux. Hein, c'est faux ce qu'ils font. Et donc, eux, ils ne veulent pas que ces choses-là soient clarifiées. Ils ne veulent pas que les gens soient capables de comprendre ça. De la même manière que leurs prédécesseurs parmi les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à leur sujet dans le verset 45 dans sourate Az-Zumar. Et lorsque Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se remplissent de dégoût. Hein? Ils trouvent ça dégoûtant qu'on mentionne Allah seulement. Mais quand on mentionne d'autres avec Allah, les voilà qui se réjouissent. Hein? Donc si tu mentionnes les idoles et tu mentionnes les autres choses que les mushrikines adorent en dehors d'Allah, ils sont contents de ça, ils se réjouissent. Si tu dis Allah seul, ils ne sont pas contents, ils n'acceptent pas. Regarde les chrétiens, tu leur dis adorez seulement Allah et priez seulement Allah, et ils se fâchent. Non, il faut prier Jésus, il faut passer par Jésus, il faut prier Marie, il faut prier les saints, il faut prier les soufis parmi les gens de Bid'ah. Hein, tu leur dis, arrêtez de prier les saints et les awliya, arrêtez de prier et de mentionner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'invoquer en dehors d'Allah, invoquez Allah seul. Ils disent, non, il faut invoquer les awliya, il faut invoquer ci et ça. Hein? Vous n'aimez pas les hommes pieux, vous n'aimez pas les prophètes, vous ne respectez pas leur statut élevé auprès d'Allah. Hein? Ils se fâchent quand tu appelles à Allah seul. Et quand ils mentionnent d'autres que Allah, c'est là qu'ils sont contents. Eh bien, c'est la même chose que les mushrikines al-awwalin. Les premiers parmi les mushrikines, ils étaient comme ça aussi. Et le shaykh, il dit, donc le musulman, quand il appelle au tawhid, et quand il appelle les musulmans à revenir au tawhid, et à comprendre la ilaha illallah dans son sens réel, eh bien, ils se font traiter de wahhabi, ils se font traiter de khariji, ils se font traiter de mutashaddid, hein, extrémistes. Ils se font traiter qu'ils sont durs, hein, trop durs dans la religion. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ainsi que d'autres surnoms et sobriquets qu'ils utilisent pour faire fuir les gens de l'appel au tawhid et de l'invitation au tawhid. Et donc, pour les gens qui adorent les tombes, le tawhid c'est quoi? C'est l'adoration des tombes. Donc si tu n'adores pas les tombes et si tu n'appelles pas à adorer les tombes, tu n'es pas sur le tawhid selon eux. Parce qu'ils ont inversé la religion. Hein, pour eux, le tawhid, c'est le shirk. Et le shirk, c'est le tawhid. Ils écrivent même des livres pour défendre le shirk et pour appeler les gens au shirk et pour leur dire que ce n'est pas du shirk qu'est-ce qu'ils font. Puis quand tu appelles au tawhid, eh bien, ils te critiquent. Hein? Ils disent, ah, vous ne respectez pas les hommes pieux, vous n'avez pas de respect pour le prophète, vous êtes des kuffars. Les wahhabis sont des kuffars, ils disent. Subhanallah, pourquoi? Parce que vous adorez pas, vous prenez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un intermédiaire entre vous et Allah. Donc vous n'êtes pas des croyants. Hein? Vous voyez comment ils ont déformé la religion. Et donc le cheikh, il dit que ces gens-là, ils appellent clairement au shirk, mais pour tromper les gens, ils utilisent d'autres mots enjolivés pour appeler au shirk par d'autres termes, comme le tawassul, comme le respect, comme l'amour, hein, comme on a mentionné au dernier cours. Et le cheikh, il explique le verset ensuite, il dit وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أي إِذَا قُلْتَ أَخْلِصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهِ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أي نَفَرَتْ قُلُوبُهُمْ نَفَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ لأنهم يعلمون أن هذا يبطل ما هم عليه وهذا مشاهد في كثير من الناس اليوم الذين مرضوا على الشرك وعبادة القبور والأضرحة يتضايقون من كتب التوحيد وعلماء التوحيد فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الباطل أنهم لا يقبلون الحق. Donc le cheikh il dit, et lorsque Allah il mentionne dans le verset, et lorsque Allah seul est mentionné, hein, lorsqu'on dit aux hommes, purifiez votre adoration pour Allah seul, adorez pas rien d'autre que lui, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà, parmi les mushrikines, il se remplit de dégoût. et de dégoût. Ils ne sont pas satisfaits de ça. Et leur cœur fuit de ceux qui appellent au tawhid. Parce qu'ils ne croient pas. Ceux qui ne croient pas au jour du jugement dernier, en la résurrection et en la rétribution, peut-être qu'ils disent avec leur bouche qu'ils croient en ça. Ils disent, oui, on croit au jugement dernier, on croit en la résurrection. Mais la réalité, c'est qu'ils n'y croient pas réellement. Parce que s'ils y croyaient réellement, ils devaient accepter que pour y aller, c'est-à-dire pour avoir la récompense d'Allah, il faut respecter les ordres d'Allah et le tawhid. Mais eux, ils ne respectent pas ça. Donc ils s'imaginent qu'ils sont sur le bon chemin. Et le cheikh, il dit, il refuse qu'on explique le tawhid parce que le tawhid clarifie la fausseté de ce qu'ils font et de ce qu'ils pratiquent, comme shirk. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui de la part de beaucoup de gens qui ont accepté le shirk et l'adoration des tombes et des tombeaux. Et quand on leur montre les livres du tawhid et quand on leur explique le tawhid, ils se sentent angoissés par ça. Ils se sentent frustrés par ça. Ils veulent pas entendre parler du tawhid et des ulama du tawhid. Et ça, c'est la sunna d'Allah, c'est la règle d'Allah à propos des gens du faux, qu'ils refusent tout le temps d'accepter la vérité. Et le shaykh, il dit, « وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أي من المعبودات التي يعظمونها كالحسن والحسين وأهل البيت والبدوي والمغرني والعدروس وغيرهم إذا هم يستبشرون أي يفرحون بالباطل لأنهم لما كرهوا الحق ابتلوا بمحبة الباطل عقوبة لهم قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وفي الآية الأخرى يقول سبحانه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فهم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون إلا بالشرك نسأل الله العافية وما أشبه الليلة بالبارحة هذا الذي ذكره الله في المشركين الأولين موجود الآن في المشركين المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهو أنهم يفرحون بمن يثني على معبوداتهم ويبغضون من نصحهم وأراد لهم النجاة والرجوع إلى الحق بل يكرهونه ويلقبونه بالألقاب الشنيعة فيقولون خارجي وهابي متشدد إلى آخره ولكن هذا لا يضر أهل التوحيد والإخلاص فالرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه شاعر مجنون ساحر كذاب معلم إلى آخره إلى آخر ما قالوه في الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضره ذلك وما ضر دينه صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il dit Et dans la suite du verset, dans Sourate Zumar, le verset 45, et lorsqu'on mentionne d'autres que lui, c'est-à-dire d'autres que Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les choses que ces gens-là adorent en dehors d'Allah et qu'ils respectent en dehors d'Allah, eh bien, ils sont contents et ils se réjouissent de ça. Quand on mentionne les choses qu'ils vénèrent en dehors d'Allah, comme les Shia qui vénèrent Al-Hassan, et Al-Hussein, les fils d'Ali, radiyallahu anhu, et de même que la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils appellent Ahlul Bayt, et qu'ils adorent en dehors d'Allah, et qu'ils aiment, mais avec exagération, parce qu'ils tombent dans le shirk, ils adorent, ils ont construit sur leur tombeau des mausolées, et chaque année, ils vont faire même des pèlerinages à ces endroits-là, à Karbala et à Najaf, et dans d'autres villes où il y a d'autres parmi leurs imams qui sont enterrés, ils vont là-bas pour faire des pèlerinages. Et même quand ils viennent à la Mecque et à Médine pour faire le Hajj et la Umrah, pour eux, le Hajj et la Umrah, c'est de visiter les tombes et les endroits où des gens sont morts. Et même si ces endroits-là ont été détruits Hein, parce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsque sa da'wa a été installée, et que la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est la da'wa des prophètes, elle a pris le dessus sur cette région, hein, en Arabie, il a fait en sorte que tous les bâtiments ou les mausolées ou ces endroits-là où on avait construit des choses sur les tombeaux, tout ça, ça a été nivelé et mis au niveau du sol. Selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait ordonné justement de faire en sorte que les tombeaux soient nivelés au niveau du sol. Eh bien, eux, malgré ça, ils ont gardé des cartes anciennes. Oui, ils ont gardé des cartes anciennes qui indiquent à quel endroit se trouvait telle tombe, à quel endroit se trouvait tel mausolée, à quel endroit se trouvait tel endroit. Et donc, quand ils vont, tu les vois avec leurs cartes, et ils disent, ah, c'est ici qu'il y avait telle tombe, hein? C'est-à-dire, ils vont là-bas, puis tu les vois qui vont se prosterner ou bien faire des bid'a, hein, ou des actes de shirk dans ces endroits-là. Non. Et bien entendu, alhamdoulilah, il y a un contrôle. Il y a les policiers, il y a les gens qui travaillent pour justement contrôler, pour éviter que des gens tombent dans l'extrémisme ou dans l'exagération, dans ces actes de shirk, on ne les laisse pas faire. Mais tu vois qu'ils essaient de s'organiser pour faire ça. C'est pour dire que s'ils réussissaient, ces rafidah, s'ils réussissaient à prendre le contrôle des terres saintes et à les diriger, tu peux être certain que la première chose qu'ils feraient serait de reconstruire tous ces mausolées et tous ces dômes qui étaient construits au-dessus de ces tombeaux-là, et de les refaire comme ils étaient auparavant, pour justement inciter les gens à faire le shirk, hein, à leur sujet. Les rafidahs ainsi que les soufis, parmi les roulats, parmi les qubouriyins, Allah al-musta'an. Donc c'est ça qu'ils aiment, ces gens-là. Donc Al-Hassan, Al-Hussein, Ahlul Bayt, hein. Donc nous, on les aime. On aime Al-Hassan ou Al-Hussein, radiyallahu anhuma. Et on aime Ahlul Bayt parmi les croyants, hein, Ali, radiyallahu anhu, et Fatima, radiyallahu anha, et tous les croyants de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses proches. Mais on ne va pas tomber dans l'extrémisme et l'exagération à aller jusqu'à les élever à des niveaux de divinité et de les adorer en dehors d'Allah, hein. De même que d'autres parmi les hommes que certains considèrent comme étant des awliya, comme Al-Badawi par exemple. En Égypte, il y a une tombe dans la ville de Tanta, qu'on appelle la tombe la tombe de celui qu'ils appellent Ahmad Al-Badawi. Et à chaque année, il y a des millions de gens qui vont pour faire des pèlerinages à cette tombe-là. Hein? Et ils font du shirk. Ils font des sacrifices à cette tombe et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc ça c'est, ça c'est des bid'ahs, hein. De même que d'autres parmi les chouurs soufis, il y a de différentes turuqs. Dans tous les pays, vous allez voir, si vous allez dans des pays musulmans comme ça, vous allez voir que dans chacun de ces pays-là, il y a une tombe que les gens vénèrent. En Égypte, il y en a des centaines comme ça. Et au Maroc, et en Algérie, et en Tunisie, hein, et en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, il y en a aussi. Tu vois, il y a la tombe de Ahmadou Bamba. Ils vont faire des pèlerinages là-bas. Ils ont construit une grosse mosquée là-bas à Touba. Chaque année, ils vont là-bas faire les pèlerinages. Il est enterré dans la mosquée. Hein? Et tu les vois, par exemple, aussi ceux qui sont Tijaniya. Ils vont au Maroc, à la ville de Fès. C'est là-bas que est enterré Ahmed Tijane. Et bien, ceux qui vont là-bas, ils vont faire le pèlerinage à cette tombe-là. La même chose. Ils font des actes de shirk là-bas. Et dans d'autres villes, dans d'autres pays, la même chose. Chaque tariqa, ils ont leur cheikh. Et chaque cheikh, ils ont leur fête. Et à chaque année, ils vont là-bas faire le pèlerinage, visiter les tombes et faire des actes d'adoration. Ils font même ils ont comme des foires même qui sont faites à chaque année autour de ces tombeaux-là à certaines périodes de l'année qu'ils appellent des mawasim, et ils ont rajouté autour de ça toutes sortes d'attractions, hein, des jeux, des attractions, des, hein, pour attirer les gens. Donc il y en a qui vont là-bas pour les jeux et pour les attractions, et il y en a d'autres qui vont là-bas pour le shirk, pour les, toutes sortes d'autres choses. Donc tout ça pour dire que yani, eux ils se réjouissent, إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ils se réjouissent de tout ce qui est faux, hein? Pourquoi? Parce qu'ils détestent la vérité, hein? Et ils ont été éprouvés par l'amour du faux. C'est un châtiment par lequel Allah les a châtiés, comme Allah il le dit dans le verset 52 dans Sourate Al-Ankabut. Et ceux qui ont cru au faux et qui ont renié Allah ou la foi en Allah, alors ceux-là sont les perdants. Et dans l'autre verset, le verset 12 dans Sourate Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci: parce que lorsque Allah seul est invoqué, vous avez renié la foi, et lorsque on a associé avec lui, vous avez cru. Il dit ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. C'est la réalité. Quand tu appelles Allah seul et tu invoques Allah seul et personne d'autre que Allah, les mouchrikoun ils sont pas contents, ils veulent rien savoir. Mais si tu dis ok, on va adorer d'autres avec Allah, là ils sont contents, hein? C'est là qu'ils acceptent. Donc ils ne croient que en le shirk, ces gens là et le cheikh il dit c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passait dans le passé, hein, avec les mouchrikoun? Quand on mentionnait Allah seul, ils rejetaient, et quand on appelait, quand on mentionnait Allah seul, ils rejetaient, et quand on invoquait d'autres avec Allah, ils acceptaient la vérité. Ça existe aujourd'hui encore, de la part de ceux qui se disent musulmans et qui se réjouissent uniquement lorsque on invoque d'autres avec Allah, parmi les tombes, parmi les saints, parmi les morts, hein. Et ils détestent ceux qui les appellent à la bonne voie et au salut et à la vérité, et il les traite de toutes sortes de surnoms pour faire fuir les gens de la vérité. Donc ils vont les appeler, hein, ils vont appeler les gens du tawhid et les gens de la sincérité, hein, ils vont les appeler wahhabi, ils disent ah, ça c'est des wahhabiyya, hein, ou bien ils vont dire c'est des khawarij, ou bien c'est des mutashaddidin. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de qu'est-ce que c'est la différence entre les gens de la sunna qui appellent au tawhid et les khawarij qui font le takfir des croyants, hein, et que s'ils font des péchés, ils disent ah, ça c'est des kuffar. Ça c'est les khawarij qui agissent comme ça, ceux qui font le takfir des pécheurs et qui justifient la révolte contre les dirigeants. Ça c'est des khawarij. Mais si tu dis que tu fais le takfir de ceux qui font le shirk, ça c'est pas la voix des khawarij. Le takfir des mushrikins, ça c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Donc eux ils distinguent pas entre les deux choses, et ils vont t'appeler mutashaddid, ils vont dire t'es un extrémiste, t'es trop dur dans la religion. Pourquoi? Parce que tu appelles au tawhid et tu condamnes le shirk, hein? Ils t'appellent extrémiste. Donc c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de la religion. Mais tous leurs surnoms, tous leurs sobriquets, toutes les appellations qu'ils utilisent contre les gens de la sunna et du tawhid, ça ne leur fait aucun tort en réalité, parce que les mushrikoun avaient dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des choses comme ça, des choses semblables. Ils ont dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'était un poète, sha'ir. Ils ont dit que c'était un sahir, un sorcier. Ils ont dit que c'était un menteur, un kazab. Ils ont dit de lui que c'était quelqu'un qui apprenait des autres, que c'est les autres qui lui ont appris, hein, mu'allam. Comme les chrétiens aujourd'hui ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appris des juifs et des chrétiens. Donc ils l'accusaient d'avoir copié, hein, le livre des juifs et des chrétiens. Et bien d'autres choses également. Mais cela ne lui a pas fait de tort, ni à lui, ni à sa religion. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la vérité et a réfuté le faux. Et donc ça c'est ce qu'on peut expliquer pour aujourd'hui. On va s'arrêter pour la salat. On continuera la suite de ça au prochain cours, Inch'Allah.